Regarde l'homme qui traverse là-bas. C'est quelqu'un que je connais. Mais je ne sais plus qui c'est. L'homme qui porte des lunettes noires? Ah, mais c'est Max Duval. C'est l'acteur qui joue dans Remix, le film qui a eu 3 Césars. Ah oui, comme je suis bête. C'est un acteur que je trouve sublime. Mais il joue toujours dans des films que je trouve vraiment idiots.